Les journaux indiens ont traité la journée de la brillante étoile. Indian and World Event a porté divers écrits dans deux pages entières avec la photo du général Kim Jong-il. Ocean News Point a fait une rédaction spéciale sur une page entière sous le titre « Kim Jong-il, dirigeant éternel de la République populaire démocratique de Corée » avec sa photo. Avec les faits à l'appui, New Delhi Times a écrit que la capacité de se renforcer soi-même basée sur les idées du Tutsi est l'un des facteurs qui ont permis les prodiges et changements étonnant le monde entier aux militaires et civils coréens dans les annales de la révolution. Sous le titre « Pour une nouvelle époque de la réunification indépendante », Oh Yi-king a exalté les exploits du général coréen qui a consacré tout pour la réunification de la nation coréenne.